Vous êtes assez fou. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Sébastien F. Gartin clarifiera l'actualité dans son bulletin Gartin et Frédéric Bernard éveillera notre curiosité à l'aide d'un invité dans Google Globe. Assemblage Reiki avance tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage Reiki en ce mercredi 16 décembre 2015, 132 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016, 5 jours avant la fin de la session. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania. Ça va bien? Très bien, on a toujours une bonne raison de commencer en retard. C'est vrai. On vous épargne les détails, il y en a toujours. Il y en a tout le temps. Ils sont pas plus intéressants. Non, pas nécessairement. Quand, ouais, c'est ça, quand on en parle, c'est parce qu'on a une bonne raison. C'est ça, là la raison est moyenne. C'est bon. Ça, c'est à titre... Informatique et logiciel. Et voilà. Fait que voilà. C'est même pas le fun à raconter. C'est plate à mort. C'est pas comme si on avait été faire des bangs dans le stationnement plein de neige. Ah, ça aurait été le fun, ça. Ouais. Est-ce que tu commences? Parce qu'on va, se le dire, c'est ta faute qui fait froid en ce moment. T'as demandé de la neige et t'as eu ton souhait. Là. Oui, j'ai eu mon souhait. J'ai pas commencé... en fait, je peux pas dire ça en onde, là, que je des bangs. Mais hier, j'ai quitté l'université assez tard parce que j'étais avec des amis qui étudiaient. Et puis, quand je suis partie, je me suis fait un petit plaisir personnel. Ah, il n'y avait plus personne. Et voilà. C'est le moment pour le faire. Oui. Ah, nous, on va avoir le temps pour plusieurs chroniqueurs aujourd'hui et des invités spéciaux à 8h. Sébastien F. Gartin va être là pour sa chronique Bulletin Gartin. Mm-hmm. On parle toujours d'actualité avec lui. Ensuite, à 8h30, c'est Frédéric Bernard et Google Globe. Et lui, il va nous amener un invité. On ne sait pas encore c'est qui. Il m'a envoyé un message pour me rappeler le fait qu'on avait une surprise. À 8h30. Tu sais, puis on a tellement dit niaiserie sur qui allait être l'invité que j'ai... Ben pas j'ai peur, mais j'ai... Tu sais, ça serait vraiment drôle qu'il arrive avec sa grand-mère. Ça pourrait être drôle, oui. Ça pourrait être très drôle. Ouais. Ils vont être là bien d'avance, donc peut-être qu'on va avoir l'occasion de jaser avec eux en ronde et en onde. Peut-être. On verra ça. Donc ça commence à 8h30. Et puis ça continue tout le reste de l'émission, finalement. Voilà. Une grosse émission. Oui, et on a bien sûr ta chronique à toi. Tania is gonna entertain ya. Qu'est-ce qui s'en vient? Le guide des fêtes. Ben oui, évidemment, c'est les spéciaux des fêtes. Ça fait quelques jours déjà que je suis dedans, là, que je vous fais des chroniques seulement sur les fêtes. Mais aujourd'hui, j'ai eu une petite pensée pour toi et aussi pour Alexandrine l'autre jour qui nous parlait du Grinch. Ouais. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une chronique « Comment reconnaître que vous haïssez les fêtes ». Ah ben, voyons donc. Ouais. Est-ce que tu es prête pour ça maintenant? Oui, je suis prête pour parce ça. Parce que c'est Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant ça décolle. C'est Tania and she's gonna entertain you. Tania Baudin? Oui, ça va bien? Oui, t'es trop dedans. Ouais, c'est vraiment dedans. C'est normal, c'est une musique accrocheuse. C'est le manque de café. Et voilà. Donc, on parle de grincheuse aujourd'hui. Oui, parce que tu sais, il y en a qui sont véridiques, on le sait. Il y en a qui aiment vraiment pas les fêtes. Ouais. Mais il y en a qui jouent un peu à ça, à pas aimer les fêtes, j'ai comme pour l'impression. Pour se faire convaincre, pardon, ouais. Tu penses? Okay. Mettons. Ah. Toi, tu me disais un petit peu plus tôt cette semaine que t'aimes pas nécessairement les fêtes. Ben, ça me fait rien. Pourquoi? J'ai juste pas le... J'ai jamais eu la piqûre de ça. On dirait que ça, je m'en fous un peu. Tu te fous de la magie de Noël? J'aime le congé, c'est tout. OK, bon, ben j'ai 15 exemples de comment reconnaître que tu haïs vraiment les fêtes. Okay. Et si tu t'y reconnais à la fin de la chronique, eh bien, tu sauras que tu es vraiment un vrai grincheux. Est-ce que tu me donnes un petit macaron? Je suis un vrai grincheux. Ben, je t'ai déjà amené quelque chose à boire pour plus tard. Merci. Alors, c'est assez. C'est ça. C'est mon prix. C'est ton prix si jamais tu es un vrai grincheux. OK, sinon, j'ai pas droit à ça. C'est ça. D'accord. Sinon, c'est moi qui le garde. C'est bon. Alors, aujourd'hui, comment reconnaître que vous haïssez les fêtes? Eh bien, celle-ci est pour vous si jamais vous vous dites « Ah, oh, moi, j'haïs ça, là. La magie moi, des fêtes. » Ouais. Et Et si jamais vous pensez haïr ça, mais que vous n'êtes pas totalement certain, bien écoutez, peut-être que vous allez vous reconnaître et vous allez découvrir que vous êtes un vrai grincheux, un vrai de vrai. On t'écoute. Alors, le premier point, point numéro 15, on va y aller en descendant. Là. OK, c'est un palmarès. Ouais, si c'est on veut, ça, okay. Palmarès de comment reconnaître que tu haïs les fêtes. C'est les zombies du centre d'achat. Okay. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les centres d'achat, mais il y a surtout des gens qui sont là simplement pour mettre la main sur les cadeaux les moins chers qui devraient, en théorie, amener une satisfaction à la personne qui va la recevoir. Ouais. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que ces gens-là qui sont dans les centres d'achat savent exactement ce qu'ils devraient acheter à la personne et vous, ça vous déplaît royalement de devoir aller faire vos courses en même temps que ces gens-là. OK, je me vois là-dedans. Là. Ouais? Ouais. Okay. Je sais pas quand je vais faire ça, probablement lundi. Oui, ben oui, évidemment. Ouais. Deux jours avant Noël. C'est ça. Peut-être mardi même. Ouais. C'est pas bon, ça, Mathis. Ouais. Moi, je l'ai terminé, ben, mardi. J'imagine. Mais ils sont entamés depuis un petit bout. Le point numéro 14, c'est le foutu trafic du temps des fêtes. Ben oui. Tu sais, ici, ça va moins se voir, mais déjà, ça commence à se voir. En temps normal, ça va se voir autour des centres d'achat beaucoup plus. On le sait, on n'est pas loin des rivières ici. Donc, si jamais vous sortez des bureaux et que vous voyez que c'est beaucoup plus paqueté que d'habitude sur les routes, c'est probablement A, à cause des zombies du centre d'achat qui s'en vont là, et 2, à cause que c'est le temps des fêtes, là, le monde commence à réaliser qu'ils sont peut-être en retard et qu'ils doivent faire des courses qu'ils n'avaient pas pensé à faire. Et ça arrive en temps normal en début du mois de décembre. Donc, si vous haïssez le fameux trafic du temps des fêtes, qu'on va retrouver, disons-le, un petit peu, la plupart du temps, beaucoup plus dans les grandes villes, là, comme Montréal, Québec, ouais. Mais qu'on voit ici de plus en plus, si vous haïssez ça, gardez ça en tête, là, parce que ça s'en vient. Je peux pas dire que j'ai ce point-là parce que j'ai pas de char. Exactement. Mais est-ce que toi, qui marche, vois la différence? Non. Pas vraiment. Peut-être au coin où il n'y a pas de lumière. Ah, OK. Ah, parce que là, les autos font leur petit carrousel de un par un. Là, ça paraît plus parce que personne qui laisse passer parce que les gens sont pressés pour aller magasiner. Et voilà. Ouais. Le 13e point, les vrais sapins. Tu sais, les gens qui détestent les vrais sapins, non seulement parce qu'ils doivent aller les chercher, ouais. Faut qu'ils les transportent eux-mêmes. La plupart du temps, ça va être plus lourd qu'un faux sapin. Les épines qui tombent constamment. Va falloir qu'ils ramassent les épines. Puis bien souvent, le vrai sapin de Noël va mourir avant Noël. Donc, vous allez devoir vous trouver un autre sapin en stand-by. Ouais, en cachette en plus. En cachette. Le changer en cachette, les enfants sinon vont s'en rendre compte. Hein, quand même, il n'y a plus d'arbre. Exactement. Mais parce qu'en plus, quand un sapin, ça devient brun quand ça meurt. Là. Ouais. Pas, tu sais, comme le beau sapin. Roi des sapins. Roi des sapins. Que jamais t'as perdu. Que jamais t'as brunu. Brunu. Donc, si vous détestez les vrais sapins pour toutes ces raisons, il y a de fortes chances que vous commencez à réaliser que vous êtes un vrai grincheux. Mm-hmm. Le 12e point, c'est les faux sapins. Ceux qui, finalement, sont en plastique, il y en a qui sont de plus en plus commercialisés, ce sont les blancs. Oui, tu sais, là, beau, les ça. Fameux sapins en plastique blanc. Ouais. J'avais ça quand j'étais jeune. Je dois avouer qu'on a eu ça très longtemps chez nous, un sapin blanc, et j'ai eu une écœurantite aiguë des sapins blancs. Ouais. Je suis plus capable de voir un sapin blanc. Ouais, ouais. Là, ça tombe là, à la mode. T'as un point grincheux contre toi, là? J'en ai quelques-uns. Quelques-uns, OK. Les vrais sapins, moi, j'aime pas tant ça. OK. Qui restent en forêt. Tu veux quoi, dans le fond? Si t'aimes pas les sapins blancs, ni les sapins vrais? Un faux sapin vert. Il a vert. L'air vrai, ouais, OK. Ouais, ouais exactement. Ouais. Un beau sapin. Un poseur. C'est ça. Tu sais, le ceux-là avec de la fibre optique dedans. Fibre optique, oui. Ceux qui peignent le calme. Ouais. Non. Moi, j'ai... Non. OK. Le 11e point, si vous détestez les films classiques du temps des fêtes. Ceux que tu nommes tout le temps, tu name-drop tout le temps des films de Noël. Oui, mais là, ça ne veut pas nécessairement dire que moi, je suis une grincheuse. Je fais juste vous dire comment vous reconnaître si vous haïssez les fêtes. Et en temps normal, ces classiques-là vont jouer le dimanche matin à V ou TVA. Et vous parce allez... que c'est pareil au même. Ben oui, exactement. Puis vous allez tomber sur ce fameux film classique de Noël-là, où en temps normal, ça finit jamais vraiment super bien, où la morale est tout le temps la même, mais de toute façon, tout le monde aime ça, sauf vous. Ouais. Donc... Moi, j'ai eu ça. Ah ouais, t'as eu ça? Ah ouais. Pas capable? Non. C'est quoi ton film de Noël par excellence? J'en ai pas, tout le monde me le demande le à chaque Grinch. Chronique. J'en ai pas, je sais pas, je regarde pas de film, je sais pas. C'est ça l'affaire. Je me sens super rejet, mais je regarde pas de film. Faudrait, okay. Je devrais. Tu devrais. I should, I would, I could. Le point numéro 10, les fameuses listes de cadeaux de Noël. Ouais. Non seulement il faut que tu les fasses, les recevoir, tu dois choisir à l'intérieur de ça. Parce que bien souvent, si tu choisis quelque chose qui n'était pas sur la liste et que la personne sait qu'elle t'a envoyé la liste, elle va être fâchée. Ben oui. Mais l'essence même de Noël en temps normal, c'est de pouvoir faire un cadeau sans avoir de liste. OK. Et? D'être content de recevoir un cadeau, point. Ben oui, c'est sûr. Donc, en temps normal, si vous haïssez les listes, il y a de fortes chances que vous commenciez à avoir pas mal de points, à devenir un vrai grincheux. Ça ressemble à ça, Adam. Ça ressemble à ça. Par contre, j'aime les listes. Oui, parce que des to-do listes, là, c'est ça. Ouais. Non, les listes, je parle vraiment les listes de cadeaux de Noël. Ouais. Ou si vous faites y ajouter les listes de tout ce que vous devez faire avant votre partie de Noël. Ouais, c'est ça. Les petits fromages. C'est ça. Ouais. Le point numéro 9, c'est les fameux cadeaux obligatoires. Ouais. C'est là ceux qu'il faut que tu offres à ton oncle ou à tes grands-parents. Ah. Ceux à qui, souvent, c'est le plus compliqué de faire un cadeau. Ouais. Si vous êtes le genre de personne à haïr ces cadeaux obligatoires-là, parce que, premièrement, il faut que vous allez jouer dans les zombies du centre d'achat. Ouais. Très longtemps, bien souvent. Dans parce le trafic, que des fois aussi. Dans le trafic. Vous allez souvent avoir une liste de cadeaux. Ça combine tout en même temps. Et je dois avouer que c'est difficile, mais c'est pas vraiment un cadeau obligatoire parce que nécessairement, la magie de Noël, c'est pas vraiment le cadeau, mais... Les grands-parents vont t'en donner pareil même si tu leur en donnes pas. C'est ça. Puis ils vont t'aimer pareil. Ouais, vive les échanges parce que t'as juste un cadeau à acheter puis les gens, des fois, vont soit se battre pour ton cadeau ou, dans le cas de notre famille l'année passée, se battre pour ne pas avoir un certain cadeau. Oups! On dira pas qui l'avait amené. Le point numéro 8... C'est le fameux gâteau aux fruits. C'est pas mauvais, ça. Je dois prendre ce point-là comme un positif, moi. Moi, là, il y a une seule personne que je connais dans la vie qui aime le gâteau aux fruits, et c'est mon grand-père. Ben, on est deux maintenant. Tu aimes le gâteau aux fruits? Ben, le frais, là, pas le gâteau que tout le monde se pitche depuis des années. Donne à l'un, redonne à l'autre, puis c'est non. Mais un frais, là, miam. Ouais, c'est peut-être ça la différence. J'ai peut-être jamais goûté au vrai frais. Ouais. C'est de vrai. Mais, gâteau aux fruits, moi, ça ne m'attirait pas. Ah, un petit peu de sirop d'érable dessus. Un petit coulis au miel. Oh! Le point numéro 7, c'est la fameuse course à l'échange ou au retour du cadeau le lendemain de Noël. Ah, oui. Donc, tu sais, le jour du Boxing Day. C'est ça. Là où, encore une fois, il y a plein de zombies dans c'est les centres d'achat. C'est pas le moment pour ça, là. Tellement pas le moment. Et c'est le Boxing Day, on peut se le dire? Attendez 2-3 jours, là. Ah, en oui. temps normal, là, après avoir fait l'achat d'un cadeau de Noël, vous avez 30 jours. Et des fois, il y en a qui extensionnent ça pour Noël, non? Oui, que c'est ça. Va jusqu'en janvier, février. Exactement. Pouvez-vous, s'il vous plaît, prendre le temps et ne pas aller le faire le jour du Boxing Day? On vous déteste, ceux qui font oui. ça. Il n'y a pas de presse à non. changer votre cadeau. De toute façon, c'est un cadeau. Oui. Tu devrais pas être censé de l'échanger. Ouais, non. À moins que ça soit pour une cause de grandeur. Je suis d'accord avec toi, là. Mais là, hey, ça m'énerve-tu pas, ça? Ouais. T'essayes de faire ton magasinage du Boxing Day, tranquillement. La, la, la, la. Là, t'as 142 mamans en arrière qui crient pour faire des échanges de cadeaux. Puis ils savent qu'ils peuvent pas. Ouais. Peut-être que sur ce point-là, je suis grincheuse. Tu sais qu'il y a des magasins qui refusent les échanges de 26. Oui, ça, c'est de plus en plus. 26-27. Oh, ouais. Il y en a beaucoup qui refusent. Ça devrait être la loi même, je pense. C'est vrai. Ouais. Le point numéro 6, c'est la fameuse musique de Noël. Ah. Parce que la plupart du temps, elle a déjà commencé bien avant décembre. Mois de novembre. Dans les centres commerciaux, les stations de radio, et vous êtes écœuré de l'entendre. Ouais. Hey, j'étais à la pharmacie hier. Oui. C'est des petites musiques de Noël. Puis les employés, tout là, ils se dandinaient les épaules pendant qu'ils plaçaient ses affaires sur ses tablettes. J'étais comme, voyons donc, hey, gag me with a spoon et touche-moi une cuillère. Tant que ça. Mais tu sais, en plus, une chanson de Noël, ça revient tout le temps pas mal à la même affaire. Tout c'est bien. Un peu comme les films. Ouais. La morale est tout le temps la même. Ben oui. Reste couché puis attends que le Père Noël s'en vienne. Ah, la belle vie. En hibernation. Oui. Si on pouvait faire ça à l'année longue. Le point numéro 5, c'est la fameuse ligne d'attente pour voir le Père Noël au centre d'achat. Le seul Père Noël. Tu sais, il est là genre un mois et demi d'avance. Ouais. Pourquoi tu y vas le 23 au matin? C'est bien plus festif, il neige, regarde ça, il neige. Ah, je te comprends, j'aime pas ça moi non plus. Mais je comprends que les gens ont pas envie d'aller voir le Père Noël quand il fait 5 degrés dehors. Non, je suis d'accord. Moi, j'ai travaillé pour le Père Noël. J'ai déjà été... Spoiler! Qu'est-ce que ça fait? J'ai déjà... En fait, j'ai pris les photos une année. Et l'année d'après, j'étais une lutine. Une lutine, ça se conjugue au féminin? Oui, et je dois dire que pendant ces deux mois-là, j'ai eu mon écœurantite aiguë de A, enfant, B, parent. Mais, étrangement, ça t'a créé un fantasme de barbu. Fait que, si on le voit comme ça... C'est ça de même? Oui, bon, c'est de la photo Père Noël, voilà. Ah, t'aimes ça quand c'est attaché avec un élastique en arrière de sa tête, hein? Oh! Oh boy! En plus qu'on sait que t'aimes les vieux! Oh! Tout est dit! Oh! Je pensais jamais, jamais que t'irais là, mais je dois avouer que là, c'est la meilleure joke du matin. Merci beaucoup. Le point numéro 4, ça revient sensiblement au point numéro 5, c'est les fameux enfants points. Tu sais, si vous aimez pas les enfants en général, dès là, dans le temps de Noël, dans le temps des fêtes, ils sont encore plus énervés. Parce que oui, en temps normal, il y a le chocolat de l'Avent. Oui. Tu sais, le fameux calendrier de l'Avent. Uh-huh. Fait que là, il y a une dose de chocolat à chaque jour. Donc, si vous croisez un enfant, automatiquement, il y a plus de chances qu'il soit énervé que la veille. Et on le sait tous, si ça fonctionnait vraiment comme dans les films, tous les enfants seraient sur la liste des méchants. OK? Pas personne qui aurait de cadeau à Noël. Donc, si vous êtes un petit peu insensible aux enfants ou très sensible... Oui. Ben là, on est rendu au point numéro 4, si grincheux. Grincheux pas mal, ouais. Ouais. Le point numéro 3, bien, on en a parlé hier, on en a discuté, on a aussi eu le nôtre vendredi, c'est les fameux parties de bureau. Ouais. Pour ceux qui détestent royalement les fameux parties de bureau, devoir endurer les gens avec qui vous travaillez, ou simplement vous dire que vous ne pouvez pas vous saouler à votre guise, eh bien, vous devriez peut-être reconnaître que vous commencez à haïsser les fêtes. Ouais. Surtout ceux qui ont plusieurs emplois. C'est vrai? C'est la pire affaire, ça. Hey, plusieurs. Il y en a qui choisissent un party puis les autres, ils vont pas. C'est vrai. Mais c'est, ouais. C'est beaucoup. Je suis d'accord. Plus à plusieurs endroits, ouais. Ouais. Le point numéro 2, c'est les cadeaux secrets. Ça, on voit un petit peu plus ça au secondaire. Secret ou, Santa. Ouais, exact. Au secondaire ou dans les bureaux. On voit aussi ça un petit peu plus aux États-Unis, j'ai dans l'impression. Les films, souvent, dans les films, ouais. Tu viens de le dire, le fameux Secret Santa qui consiste, corrige-moi si j'ai tort, consiste à donner un cadeau à quelqu'un sans dire de qui il vient. C'est pareil comme un échange de cadeaux, mais sans dire le nom de la personne à qui ça va ou de qui ça vient. Et la personne doit deviner à la fin. C'est ça. C'est ça? Exact. Mais sérieusement. Ben... On peut-tu se le dire? Sérieusement. Sérieusement. Sérieux. Écris ton nom dessus, là, on s'en fout. Hey, ça l'est fait le principe, voyons donc. Oui, mais là... Ouais. C'est parce que ça peut te mettre dans plein d'embarras. Ben, ça peut aussi créer une relation illicite après, là. Parce que peut-être que t'offres un cadeau qui est dans le fond une déclaration d'amour à l'autre personne. Bien souvent dans les films, c'est ça qui va arriver. C'est ça. Le Secret Santa, il va donner un petit cadeau... Not so secret anymore. Et voilà. Fait que là, ça crée des malaises dans le bureau. Voilà. Et le point numéro 1, c'est le Guy. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui trippe à devoir, obligatoirement, embrasser le premier venu sous une branche d'herbe? Est-ce qu'on fait ça ici? On devrait mettre une branche de gui au-dessus de la porte du studio. Non, à la place, on a un détecteur de mouvement qui fait clac-clac à chaque deux secondes. Ça devrait être le gui. On devrait l'appeler gui. Hey, gui! Hey, gui! Donc, si vous avez tous ces points-là, on en a nommé 15. Ouais. Si vous vous reconnaissez dans ces 15 points-là... Non, moi, je dirais qu'il faudrait mettre un chiffre, là, genre si vous en avez au moins 10. OK, si vous en avez au moins 10, ouais. Vous êtes officiellement un grincheux. Je suis un grincheux. Tu es un grincheux? Toi? Non, je ne suis pas une borderline grincheuse. Borderline. Ouais. Borderline. Parce que moi, je dois avouer que les zombies du centre d'achat, ça me rend heureuse. Ah ouais? Ouais. OK. Je dois avouer que oui, j'ai eu mon écœurantite aiguë de la ligne d'attente du Père Noël, mais j'aime ça parce que j'irai moi-même voir le Père Noël. Ah! Un barbu. Oui, ouais, les barbus, c'est ça l'affaire. les cadeaux obligatoires, je les aime, moi. Parce qu'ils donnent un défi. C'est ça qui est le fun. C'est de devoir trouver la perle rare qui va faire en sorte que la personne à qui tu l'offres va aimer ça. Donc, non, je peux. Je suis une grincheuse, je pense. Tant mieux. Mais, parlant de grincheux, quoi de mieux que d'écouter une chanson qui vient du grincheux? Ah. C'est You're a Mean One, Mr. Grinch, de Jim Carrey. With his coat and his hat, I look just like Saint Nick. Ho, ho, ho! You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a heel. You're as cuddly as a cactus, and as charming as an eel, Mr. Grinch. You're a bad banana with a greasy black peel. Just face the music, you're a monster, Mr. Grinch. Yes, you are. Your heart's an empty hole. Your brain is full of spiders. You got Gallagher's solo, Mr. Grinch. I wouldn't touch you with a 39 and a half foot smile. You have all the tender sweetness of a seasick crocodile, Mr. Grinch. Given the choice between you, I'd take the seasick crocodile. You're mean one, Mr. Grinch. Oh. C'est Jim Carrey. Qui, évidemment, est tiré du film. Là. Bien évidemment, bien évidemment. Donc voilà, c'était Tania Is Gonna Entertain You. On fait une dernière chronique... deux dernières chroniques Guide de Noël. Deux? Juste oui. Deux? Hey, de quoi je vais parler? Jeudi et lundi. Oui. On va voir. Merci, Tania. Mais merci à toi. Retour, Sébastien F. Gartin et le bulletin Gartin à Assemblage. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Bon, on est toujours à Assemblage Reiki en ce mercredi 16 décembre 2015. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui. Et on accueille maintenant Sébastien F. Gartin pour la dernière fois de l'année. On va dire ça à chaque chroniqueur parce que Caroline, il reste 5 jours à l'émission, à part aujourd'hui. Oui. Donc le voici, une dernière fois. Sébastien F. Gartin et le bulletin Gartin. Bonjour Sébastien. Bon matin. Ça va? Ben oui, vous autres? Ben oui, il neige. Il neige? Il neige. Est-ce que t'es content que Tania nous ait apporté de la neige ce matin? Oui. Oh. C'est le fun. Bon. Mais c'était plus hier soir. Ouais, ben oui. Tu sais, mais... on était pas en onde hier soir. Effectivement. En fait, on était en onde hier par les palmarès. C'est une émission qui va être rediffusée jusqu'au mois de janvier. Mais arrêtez pas là. C'est il neige, la première fois qu'il neige. Ah non, je me suis retournée, j'ai vu qu'il neigeait, puis je l'ai comme... C'est très drôle. Légèrement... À peine. À peine. T'as sorti les crécelles et les petits chapeaux de fer. Quasiment. Bon. C'est le tout. Donc, dernière chronique de l'année. Et oui, puis aujourd'hui, je vous propose un débat pour ou contre la neige. Ah! Non, c'est pas vrai. Ah. ben, en fait, y a un nouveau Zone Campus qui est sorti hier. Oui. J'ai eu comme un espèce de petit stress en disant ça. Y es-tu vraiment sorti hier? Oui. Je viens pas à l'université au début de la semaine. Là, fait que j'étais comme... qui est sorti, ça nous gâche un peu notre fun, cette chronique-là, je trouve. Ah ouais? Ouais. Comment ça? Parce que c'est ton dernier éditorial. Eh oui, c'est mon dernier éditorial, mais sachez que ma descendance est assurée et que mon héritier sera de taille. On va garder la surprise pour tout le monde. On va garder la surprise. Et on se rappelle qu'à travers le temps, il y a eu des grands noms qui sont restés longtemps et entre ces grands noms-là, des gens qui sont restés pendant une session. Fait que je veux pas y mettre de pression, mais fais-moi pas continuer le pattern là, d'avoir juste un entre deux. Là. Hein? Je ferai une réponse caquiste à ça. On verra. On verra. Non, Donc, c'est ça dans mon édito. En fait, c'est un édito. Je disais, c'est un peu pour boucler la boucle. Mon premier, au début, c'était une chronique d'actualité que je faisais la première session. Puis ma première chronique dans le Zone Campus en janvier 2014. Ça se tient, ça, 2014, ouais. Ouais, c'est pas mal ça. Il avait fallu que je le remette. Quelques jours avant le congé des fêtes, je venais d'être engagé. C'était pour sortir là, au début de la session, le premier numéro de la session d'hiver, dans le fond. J'étais dans le rush de fin de session. Fait que moi, j'étais allé, j'avais fait une liste, j'avais appelé ça les 12 travaux de l'OGE, que finalement, il y en avait 7-8, si ma mémoire est bonne. J'ai dit pour boucler la boucle, j'ai fini avec une autre genre de liste. Ouais. Mais là, ça va être plutôt les trucs à surveiller cet hiver, parce que je fais confiance à mon héritage. Oui, c'est ça, qu'on mentionne mais pas trop de nom. Quand même. Ouais. Dans le fond, tu as donné exactement 8 sujets pour les 8 numéros de la saison. J'en ai donné un peu moins que ça, par contre, parce que c'était un peu plus dur de prévoir... Puis en même temps, c'est ça, moi je suis un has-been, fait que je suis pas dans toutes les nouvelles affaires non plus. Et que tu travailles tout le temps. Ben non, ça s'appelle être humble, ça, Mathieu. Non, il y a humble à outrance aussi, je trouve, dans le bord. De toute façon, d'ailleurs, parlant de nostalgie, je sais pas si tu te rappelles, Mathieu, Tania, je sais pas si tu l'as su dans le temps, ma chronique s'appelait la chronique de la belle-mère de l'OGE. Ouais. Oui, j'ai su ça. T'as su ça? J'ai su ça. Rappelle-nous pourquoi. Pourquoi? C'était à cause de... C'est en politique. C'est une expression qu'on va dire souvent quand un vieux du parti qui est rendu à la retraite ou quelque chose, qui revient faire des commentaires. L'archétype de la belle-mère, c'était Jacques Parizeau, ouais. Qui est d'ailleurs décédé cette année. Que lui, c'était, on le surnommait la belle-mère du PQ parce qu'il venait tout le temps critiquer à toutes les fois que l'actuelle gang, les gens qui étaient au PQ présentement, faisait quelque chose, t'avais une fois de temps à autre Parizeau qui sortait, qui faisait une lettre ouverte dans les médias, que bien entendu, c'est Parizeau, fait que tous les médias le reprenaient, qui leur rentrait dedans ben raide, leur disait « Moi, dans mon temps, même quand on faisait ça! » C'est un grincheux, finalement. Oui. Ben, un peu ça, tu sais, c'est ça qu'on disait pendant la toune puis pendant la pause. Moi, je suis un grincheux dans la vie. Ma blonde essaie beaucoup, salut chérie, de me faire aimer Noël, mais c'est ça, moi je suis un chialeux dans l'âme apparemment. Bon, ok, on se rejoint sur ça. Donc vous êtes deux grincheux, là. Quand même. D'ailleurs, ça veut pas dire que ma blonde réussit pas, mais mettons qu'il y a un gros fond de grincheux à régler. Donc, sur ces entrefaites, de quoi j'ai parlé dans mon éditorial, premièrement, il y avait des choses à vérifier cet hiver, le rectorat. Ouais, ben oui, mm-hmm. On va finalement le savoir. Finalement il a été nommé ou si ça va être la chaise, donc à surveiller. C'est sûr que pas besoin d'expliquer pourquoi est-ce que qui est recteur de l'UQTR, c'est important pour les gens qui vivent autour, même pour la ville jusqu'à un certain point. Autre chose de laquelle je parle, il y a des affaires que je passe rapidement, il y a des affaires que je vais m'attarder un peu plus. Moi je trouve que dernièrement, l'OGE-QTR, surtout sachant que le président de l'OGE, entre autres, qui est un ancien militant fervent... Jean-René Cadoury, oui. Oui. Je trouve que l'OGE mobilise pas beaucoup cette année. On a quand même une cause qui touche beaucoup de gens, tu sais, les négociations dans le milieu public. On a un gros bac en enseignement ici, qui sont eux autres même très, très mobilisés. Il y a les gens psycho aussi, qu'on n'entend pas beaucoup parler, mais il y a une espèce d'association de tous les doctorats en psycho, qui s'appelle la FIDEP, qui sont eux autres aussi en moyen de pression présentement. Puis l'OGE-QTR fait pas grand-chose par rapport à ça. C'est quand même un peu décevant. On se serait attendu de n'entendre au moins un peu parler. Ouais. Parlant de l'OGE, autre chose à surveiller. Ça, je disais, c'est une chose à surveiller. C'est surtout une chose de... Faudrait peut-être qu'il se passe de quoi. Restructuration de l'OGE. Ah! On en avait parlé, ça. Il s'était supposé de se faire dans l'Assemblée générale annuelle au début de la session. Puis, En se préparant à ça, l'exécutif de l'OGE a réalisé que les statuts et règlements de l'OGE, dans le fond, l'espèce de fondation, l'espèce de constitution un peu de notre asso, n'étaient pas en règle parce que l'OGE, c'est l'association officielle mettons, de l'UQTR. Ça implique, entre autres, que c'est une OBNL, un organisme à but non lucratif. Je pense que c'est ça le terme. OSBL, organisme sans but lucratif. Ouais. Sans but lucratif. Bon. C'est juste les mots virés à l'envers. Ouais, c'est ça. Donc, dans le fond, a certaines devoirs réglementaires à remplir et apparemment que, bon, moi, cette histoire de bureaucratie-là, je ne les comprends pas trop, mais apparemment que les statuts règlements n'étaient pas en règle. Mais cette réforme devrait s'en venir. Une des idées, entre autres, c'était de scinder le conseil d'administration en plusieurs entités. Deux, en fait. Parce que, dans le fond, c'est ça, c'est que pour ceux qui le savent, les conseils d'administration de la GEQTR sont extrêmement longs. Ouais. On en vient à se dire que peut-être que les décisions qui sont prises sont pas tout le temps les bonnes parce que ça commence à... Je pense cette année, ça commence à 5 heures le soir. Ça peut s'étirer relativement tard dans la nuit. Là. Des fois... Dans mon temps, on commençait à 6 heures puis ça arrivait qu'on finissait à 3 heures du matin. Aïe! Wow! Fait que, on s'entend-tu que après une coupe d'heure, tes décisions sont déjà plus vargeuses, mais dépassé minuit, tu sais, tu votes pas, tu votes contre, tu t'en ramènes, ouais. Tu te rappelles même plus ce coup que t'as voté il y a 5 minutes. Le carrosse devient une citrouille, puis... C'est ça. Fait que, bon, l'idée, c'est ça, c'est d'essayer d'alléger les CA, donc de faire différentes choses, là. L'idée, je pense, c'était de faire qu'il y aurait comme une espèce de CA qui s'occupait des trucs un peu politiques, puis un autre, une espèce de sous-équipe qui s'occupait des trucs juste relié à l'argent, dans le fond. Ouais. Tout ce qui est par rapport à la chasse, par rapport à... Bon, tout ce qui avait des montants de reliés à ça, les états financiers, tout ça, ça passait juste dans l'autre instance, ce qui était pour essayer d'alléger l'autre, la grosse affaire. Deux débats moyens, mais c'est au total, ferait le même nombre d'heures de CA. Ben, peut-être, ouais. Peut-être même plus, ouais. Mais l'idée, c'est que ce serait pas tout d'un coup, ouais. À chaque mois. Bon, fait il y avait ça. Là, faudrait que, faut effectivement que ça se fasse. D'ailleurs, ça fait des années qu'on en parle. L'OGE a un gros devoir de remise en question à faire, dans le sens de se reconstruire différemment. L'OGE-QTR, présentement, c'est une des plus vieilles, si c'est pas la plus vieille association de campus au Québec, parce que toutes les autres se sont soit sabordées pour en recréer de nouvelles, ou se sont complètement réformées là, d'un bout à l'autre. Jusqu'à effectivement changer de nom. Mmh. Fait que l'OGE-QTR, c'est une des dernières qui a été fondée dans les années 70, d'un début de l'université. Puis à changer de structure, oui, il y a des choses qui sont rajoutées, mais il n'y a jamais eu de réflexion. Puis dans le temps, il faut dire que l'UQTR, dans les années 70, il y avait peut-être la moitié moins d'étudiants. Mmh. Mmh. Ça change des choses. C'était pas les mêmes programmes. Les programmes n'étaient pas répartis de la même manière. Tu sais, les gens, les programmes, puis tout. Ce vers quoi on s'en irait, c'est vers une décentralisation. Puis comme je dis, ça fait des années qu'on en parle. En 2012, c'était la grosse conclusion de l'année 2012. C'était faut vraiment décentraliser l'OGE. C'est rendu ingérable. Entre autres, dans les questions de grève. C'est impossible de faire une assemblée générale de grève et tout le monde peut être là. Tu peux pas avoir... Il n'y a pas de local qu'on peut raisonnablement louer pour qu'il y ait 10 000 personnes, 10 000, 12 000 personnes dedans. Ce qui est à peu près le nombre de membres de l'OGE-QTR. Fait que à Manet, ça se peut comme plus. Est-ce que tu penses que quelqu'un va utiliser ça comme mandat pour une prochaine élection en tant que président, va prendre ça comme premier point? Je vais absolument, moi, faire la réforme. Ben, depuis 2012, il n'y a pas eu personne qui s'est présenté qui n'avait pas ça en quelque part. Okay. Quand je dis personne, c'est parce que c'est pas leur principal. C'est pas nécessairement un point de la présidence, okay. La restructuration. C'est plus, entre autres, au secrétariat général. Peut-être vice-présidence aux associations. Vie associative et environnement, je pense qu'il s'appelle à cette heure, mais on la surnomme le VP Asso. Celui-là aussi, c'est pas mal dans ses trucs. Oui, la présidence, parce que la présidence, c'est un peu le chapeau. Ouais, c'est ça. Oui, la ligne oui la présidence, mais généralement, la présidence, c'est pas supposé d'avoir beaucoup de projets parce que la présidence, c'est là pour ramasser les affaires qui vont se trouver dans l'année. Puis juste le nombre de réunions que la présidence a à se pointer parce que c'est le président de l'OGE qui représente l'OGE dans tous les comités de l'UQTR. Ouais. Comité de stationnement. Comité de stationnement, c'est de la moyenne job des fois, d'ailleurs. C'est le seul qui me vient de même, mais il y en a un paquet. Là, c'est ça. Mettons, s'il y a à avoir des rencontres avec des vice-recteurs, c'est le président qui y va. puis l'autre officier qui est, mettons, c'est pour quelque chose de vie étudiante, ben là, ça va être le VP socio-culturel, mettons. Du cas par cas, mettons. C'est ça. C'est tout le temps du cas par cas, mais c'est le président. Donc, ça pour dire que c'est pas nécessairement la présidence qui va mettre ça de l'avant. Puis c'est sûr que c'est pas quelque chose de, comme on disait, sexy. T'sais, c'est pas une affaire que ça va te tenter. Ouais. Alors, ah oui, la restructuration, ça me tient à cœur. Il y en a que oui, mais c'est plus ils rare. Sont déjà dans la c'est pas ça qui va... bon, on s'entend, les élections, c'est jamais des grandes participations de fous. Là. Ouais. Il y a bien des gens qui savent même pas qu'ils ont une association sur le campus, puis c'est pas... c'est juste normal, c'est même dans tous les universités, ouais. Même maintenant. Ça regarde juste devant soi-même. C'est ça. Le proverbial étudiant qui vient pour ses cours, il se pousse après. Là. Ouais. Ben, c'est plate, mais c'est la majorité des gens quand même. C'est ça. Ouais. Ça changera jamais, ça, peu importe comment on essaie. Ben, c'est ça, à un moment donné, faut pas... On a dit, c'est pas l'équipe de football qui va changer ça. Non, d'ailleurs, j'y venais, l'équipe de football. L'équipe de football. Moi, en partant, j'ai un préjugé défavorable envers ça, c'est sûr. J'ai de la misère avec ça, parce que une des raisons principales, c'est que, ben, j'ai deux grosses oppositions à ça. Puis je dis un préjugé défavorable. Dans l'absolu, je suis pas contre le fait qu'on ait une équipe de football. Ouais. Je pense qu'il y a, mettons, dans la culture universitaire nord-américaine, il y a comme quelque chose là. Ceci étant dit, premièrement, on a des grosses coupures présentement. Je veux dire, depuis un an, on le sait que l'UQTR, comme toutes les universités, en fait, comme toute l'éducation au Québec, fait face à des grosses restrictions budgétaires. Des fois, c'est carrément alarmiste. Puis là, on voudrait investir des centaines de mille piastres dans une équipe sportive. Puis pendant ce temps-là, les profs, eux autres, ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête qu'il y en a qui vont perdre leur job, puis que les autres vont se voir leur salaire réduit, puis tout ça. Il y a comme un genre de... Mettons, je comprends que ça passe pas très bien du côté des enseignants. Ouais. C'est plate, là, mais je pense que... C'est pas le moment pour l'acceptation de la communauté universitaire, qui est quelque chose, traditionnellement, qui est quelque chose d'important quand tu fais quelque chose dans une université, parce qu'université, c'est un peu une micro-société, en quelque part. Si la communauté universitaire le veut pas, tu y rentres pas dans la gorge. Puis je comprends les profs de pas être d'accord avec ça. Puis c'est un peu un pied de nez à un moment donné. Tu sais, c'est un peu le l'équivalent de quelqu'un qui va chercher des food stamps pour pouvoir manger, mais qui se promène en Cadillac. Tu sais, ouais. C'est comme pas le... bon. C'est un peu une mauvaise métaphore là, mais tu sais, je sais pas si on comprend. Tu sais, il y a comme quelque chose de contradictoire. Là, ce qui nous avait été dit, c'est que le projet serait à coup nul si certaines conditions étaient remplies. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il s'attendait à un certain niveau de rentabilité de l'équipe. Puis ça amène ma deuxième objection à ça. Quand je dis, juste pour être clair, quand je dis à coup nul, ça serait que l'UQTR ne débourserait pas une scène. Mmh. Ça serait les billets qui financeraient une partie, puis il y avait des partenariats, des commanditaires majeurs, puis etc., qui paieraient l'autre partie. Ouais. L'affaire, c'est que la rentabilité de cette équipe-là, présentement, ça regardait pas super bien. Ah, ils ont fait des petits sondages là-dessus? Ben, ils ont fait plus ou moins d'études, tant qu'à moi. En fait, je trouve qu'ils n'en ont pas fait assez. Cependant, on peut regarder ce qu'on a un peu en pleine face présentement. On a les Patriotes hockey. Ouais. Mm-hmm. On s'entend, le hockey au Québec. C'est pas mal de sport, hein? Je veux dire, moi, où ce que j'habite, je veux dire, c'est quasiment la moitié des étudiants dans ce coin-là. Et tu le sais, quand il y a une game de hockey, je veux dire, moi, je le suis pas particulièrement, mais je veux dire, le hockey, je pense que on n'a pas besoin de dire que c'est dans notre culture. C'est ça. Puis, tu sais, notre équipe, c'est une des seules francophones dans la ligue dans laquelle elle joue. C'est une ligue de quand même assez haut niveau. Apparemment, on me dit, moi, je suis pas tellement ça, mais on me dit que les Pats hockey sont quand même une assez bonne équipe dans la ligue. Présentement, on est premier. Bon, ben, t'as une très bonne équipe dans la ligue. Tu vois, c'était correct. C'est ouais. C'est ça. Pas mieux. C'est ça. Puis pourtant, il y a pas grand monde qui vont au game. Non. Mais là, ça commence, là. Ça commence. Je dois avouer parce que j'y vais souvent, puis je croise souvent Marie-Laurence, puis on en a une. Marie-Laurence Audet, chroniqueuse. Oui, Marie-Laurence Audet, chroniqueuse. Puis justement, on voit de plus en plus de monde venir au game, que ce soit des étudiants ou encore des gens de la population, point. Mais quand on dit qu'il y en a beaucoup, c'est plus que pas partout, mettons. Mais je vais t'avouer que il y a quelques années, il devait y avoir à peu près 25 personnes par game dans l'aréna. Là, c'est combien t'as cibré? Ils sont combien du Booster Club dans ces 25-là? C'est ça. Il y a combien de parents dans ces 25-là? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu vois, c'est le fun que tu dises ça. Puis je pense que même là, c'est pas plus un argument pour l'équipe de foot parce que c'est comme, justement, profitons-en puis allons-y all the way. Si on commence à avoir un engouement dans l'équipe de hockey, mettons notre énergie dans l'équipe de hockey qu'on a déjà. Puis regarde, comme tu le dis, c'est son premier présentement dans la... Tu vois que là, ils... Allons-y avec ça. Ils font beaucoup d'affichages, les Patriots hockey. Il y a des pancartes avec les matchs affichés dessus. Et ça a fait juste, ça a quoi, doubler, tripler, quadrupler? Mais je pense que, je pense qu'il y a eu quelques changements côté de tout ce qui est publicité pour tout ce qui est équipe des Patriots, c'est de l'argent dépensé. Que ce soit hockey ou... C'est de l'argent dépensé et les matchs sont gratuits pour les étudiants, si je me rappelle bien. Oui, exactement. Mais il y a plus de gens de la population qui passent. C'est ça. Il y a des publicités qui passent présentement à la télévision. Est-ce que ça devient kiff-kiff et finalement, il n'y a aucun argent qui se fait? Tu sais, il y a beaucoup de jeunes, des jeunes joueurs de hockey qui viennent avec leurs parents. Ouais. Des équipes mineures, exemple, là, ils vont s'organiser une gang puis ils vont venir à ces parties-là. Ça amène du monde, au moins. Oui. Ben c'est ça. Puis là, est-ce que c'est rentable la formule actuelle? Ça, je le sais pas. Mais tu sais, l'équipe de football, si on suit si on fait une équipe de football pour suivre comme les autres universités, c'est bien rare que les games de football sont payantes pour pour les étudiants d'université. C'est généralement c'est pas mal la norme, je pense, d'être gratuit sur présentation de la carte étudiante. Puis c'est ça. En fait, je suis vraiment content de ce que tu dis là parce que, comme je l'ai dit depuis tantôt, je suis pas tellement ça, le sport d'envie en général, puis encore moins le sport étudiant. Mais je pense que ça fait quand même partie de la vie universitaire, puis je pense que c'est ça. C'est pas nécessairement football comme un autre, puis football, c'est un sport qui coûte cher. Ouais. Oui. Le stade coûte cher, l'équipement des joueurs, je veux dire, on s'entend, c'est un sport qui se joue en armure. C'est sûr que tu sais, il y a beaucoup de frais reliés à ça. Les commotions cérébrales, est-ce que ça coûte de quoi à l'université? Ça? Ben ça, c'est une autre affaire. Le hockey, je pense qu'il y a moyen de jouer du hockey non violent. Ben les gars, s'ils se battent, ils sont suspendus. Ah. C'est ça, tu sais, il y a des, tu sais, bon, les mises en échec, c'est sûr, mais c'est tu sais, une mise en échec en soi avec l'équipement qu'ils ont sur le dos, c'est pas si pire que ça. Le football, ça, c'est drôle parce qu'il y a des chercheurs en psycho, il y a un lab qui au Michel Sarrazin qui travaille entre autres là-dessus, si ma mémoire est bonne. Les commotions cérébrales chez les joueurs de football. C'est quelque chose d'assez... C'est quelque chose qui est très remis en question, entre autres aux États-Unis. C'est vraiment une bonne idée de prendre nos étudiants, là, les futurs intellectuels, puis les faire se rentrer dedans, puis les faire se faire des commotions cérébrales à répétition. Mais surtout en jeune âge, c'est assez... c'est même au secondaire qui commence à dire que c'est peut-être pas une bonne idée de leur faire jouer à ça. En même temps... Ah, si, en même temps, c'est peut-être ce qui amène le jeune à l'école. C'est souvent ça. Ils des se font fois, convaincre en jouant au football de pouvoir avoir des cours, je le comprends. Ouais. C'est ça. C'est pas une. J'étais pas en train de dire qu'il faut complètement arrêter le sport non plus. Ah non, au contraire. C'est un sport qui est dangereux parce que t'envoies des répercussions très longtemps après aussi. C'est ça. Ben, des commotions cérébrales, si t'en as une, c'est correct, c'est pas trop grave. T'en as deux, c'est pas trop pire. Mais quand t'en as 7-8, surtout 7-8 assez rapprochés, c'est dangereux, là. Tu perds des facultés, là. Ouais, exactement. Vous l'avez entendu en exclusivité à C'est fou, selon Sébastien Vigartin. Une commotion cérébrale, les enfants, c'est correct. Non, mais c'est correct, je veux dire. N'importe quoi, tu te pètes la gueule en vélo, puis tu peux en faire une. Tu peux être pas, faire une commotion. Tu sais, je veux dire, jusqu'à un certain point, on respire, puis ça nous magane à petit feu. Je veux dire, la vie, c'est pas quelque chose d'hyper sécuritaire à la base. Je veux dire, embarquer en auto, c'est dangereux. Là. Fait qu'on s'entend, ça n'empêche pas de le faire pour autant. Ça faut pas capoter avec le risque zéro non plus, c'est un peu ça que je voulais dire. Ouais. Tu sais, tu peux littéralement faire une commotion cérébrale en marchant, puis en te plantant de la mauvaise manière. Tu sais, c'est pas pour. Parce qu'il y a une commotion cérébrale, ce que je dis, c'est que ce qui est dangereux, c'est quand tu sais que ce sport-là, c'est quasiment impossible de pas en faire. Surtout à certaines positions, là, on s'entend les linemen. T'as pas bien. Je veux dire, c'est t'as pas de n'avoir un sur Terre qui n'a pas fait une coupe, là, tu sais. À un moment donné, c'est ça, tu sais. Là, on compare un sport avec un autre, là, mais tu sais, je me dis en même temps, de mon point de vue extérieur à ça, de pas grand fan de grand chose, de ce point de vue-là, le hockey me semble un peu plus responsable envers ses joueurs. Je pense que ça magane moins. Qu'il y a des mesures de... Mais je veux pas dire sécurité, mais tu sais, je pense qu'il y a des mesures qui ont été mises, justement, en option pour les joueurs qui jouent au hockey universitaire, surtout. Tu sais, comme je disais, là, ils ont pas le droit de se battre à moins d'avoir une suspension. Tu sais, du moment qu'ils vont dropper les gants, ils vont avoir un match de suspension. Les mises en échec, c'est correct. Par contre, si c'est trop vicieux, ils vont être mis à l'extérieur du match. Tu sais, donc, il y a des mises en... Ben, à travers toutes les ligues, il y a des règlements. Tu sais, comme, mettons, la Ligue nationale, tu peux pas faire n'importe quoi. Oui, c'est ça, exact. Il y a la Ligue junior majeure, qui apparemment, c'est encore un peu le free-for-all. Oui, comme dernièrement. Mais, pas suivi ça. Ouais. C'est juste que je sais ça, vaguement, là, que je sais que la Ligue du junior majeur, ça revient une fois de temps à autre, que ça joue un peu trop raide. Ben c'est ça, tu sais, t'essayes de te prouver quand t'es dans la Ligue junior majeure, je pense, parce que plusieurs peuvent être draftés justement dans la Ligue nationale, fait que c'est là que ça se joue bien souvent, mais ouais. C'est là aussi que tu peux tout faire tomber ta carrière. Ouais, c'est ça, c'est là que tu peux te retrouver légumes. Mm-hmm. c'est ça. Équipe de football, ben en gros, pour revenir à ça, c'est ça. Moi, je pense qu'on a quand même dit, on a quand même montré que notre équipe de hockey mériterait d'avoir plus d'attention encore, commence à en avoir un peu. Fait que pourquoi aller mettre une équipe de football là-dedans? Moi, une affaire qui me dérangeait avec ça aussi, c'est qu'il y a eu une couple d'athlètes qui jouent au football pour d'autres universités. Qui même sont rendus, si je me rappelle bien, dans les, il y en a même un qui est rendu dans la Ligue canadienne. Je me rends même pas joué les Alouettes, là, je suis plus trop sûr, mais en tout cas. Je pense que oui. Qui sont originaires de Trois-Rivières, puis qui disaient, puis il y en a un qui a carrément dit ça, puis le Nouvelliste a publié ça, l'UQTR a manqué de couilles. Non! Puis je dis, ah ben oui, on manque de gonades masculines apparemment à l'UQTR parce qu'on veut pas faire plaisir à des dudes qui ont même pas fait leur université ici. Mm-hmm. Ouais. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, je sais bien, ah oui, moi je veux m'impliquer là-dedans, puis tout, ben oui, tu sais, implique-toi, fais d'autres choses, je sais pas. Il y a des réfugiés syriens qui s'en viennent, si tu les héberges, tu peux t'impliquer là-dedans aussi, tu sais. C'est à un moment donné, j'ai trouvé ça un peu, moi, je voulais le souligner, puis j'ai trouvé ça un peu dégueulasse en fait. Ah, ouais. C'est un peu comme le ça fait, je sais pas comment dire, c'est le gars qui a réussi en dehors, puis là, il vient faire la morale à sa petite ville qui sont donc petits puis qui veulent pas sortir de leur petitesse. Tu sais, ça fait Elvis Graton un peu ses bords. Mmh. Ouais. En des cas. Bref, morale de l'histoire, allez voir le hockey. C'est bien dit. Dernier sujet, qui n'est pas dans mon éditorial, c'est un bonus pour vous aujourd'hui. Oh, t'es fin. Aimez-vous la neige, non? Aimez-vous la neige, pour ou contre la neige? À Denis Lévesque, Québec en parle. Moi, je voyais plus dans le trou des yeux au nouveau show. Mais... Ah, on n'est pas rendu là. Ça, c'est pas encore rendu classique. Ouais, une fois c'est que ça vrai. Va passer c'est à vrai. RTV et c'est à Radio-Canada, vrai. Peut-être que là, ça va être connu. Morale de l'histoire, écoutez-le. C'est ça. C'est le nouveau show sur Tout.TV. Ouais, c'est ça. Moi, je suis chanceux. Moi, j'ai un Tout.TV. Grâce à ton petit bonus de TELUS. Ouais. On est avec TELUS. On vient de faire de la pub, là. Ouais, gratuit. C'est mal. Deux fois. Je commence à me sentir un petit peu... pute. Rouge FM, mais ah, ouais. Okay, ouais. C'est un conseil comme un autre. Hein? Donc, dernier sujet, c'était pas ça, c'était les associations nationales. Ah. Beau petit sujet le fun. Parce que j'en ai parlé un peu au début de la session. Là, il y a comme une petite rivalité d'associations nationales. Il y a l'AVEC, qui a été que le GEQTR a été quand même une. C'est l'association. Pour la voix étudiante du Québec. D'accord. Okay. AVEQ. Oui. AVEQ, oui. L'AVEC. C'est beau, tu sais, ça fait un bel... avec nous, pour vous, avec vous. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça fait concept un petit peu. Ça sonne comme un service aux étudiants, ça. Ouais. Ouais. Ouais. Pour vous, avec vous. c'est pas mal leur slogan. Ouais, c'est exactement ça. C'est pas mal ça. Puis, mais c'est ça. Donc, l'AVEC, ça venait des régions. Donc, comme je disais, le GEQTR a travaillé activement à la fondation de tout ça. C'est ça. Ça se voulait un peu parce que les associations nationales sont un petit peu montréalocentristes, ces bars. Mm. Lire beaucoup. Ça se passe à Montréal. Pour eux autres, ouais. C'est des. Mettons, si on remonte d'une couple d'années, les associations nationales québécoises, universitaires, t'avais l'AC, qui est pas mal basé à l'UQAM, très, très autour de l'UQAM, particulièrement la faculté de sciences humaines. Puis t'avais la FERC. Qui était très, très, très basé autour de la FECUM, donc l'espèce d'équivalent de l'OGE, mais à l'Université de Montréal. Donc c'est très à Montréal, fait c'est ça. C'était un peu les deux, ça, évidemment, ça n'est pas tellement. L'AC, on le sait, très militante, très, très. On pourrait les comparer un peu. Tu sais, on a toute cette amie-là que t'as bien beau t'avoir... Mettons, t'es content parce que tu t'es finalement acheté une TV 32 pouces, puis lui, la même semaine, s'en est acheté une 50 pouces. Tu sais, Smart TV, tout le kit. Ah, là. Ouais. T'sais, on a tous un peu comme ça. Fait que l'AC, c'est un peu ça. T'sais, c'est un peu, ah ben, t'sais, vous faites telle affaire, mais nous autres, on est tellement plus militants que vous autres. T'sais. Bon, c'est un peu ça, l'AC. Défendant. Défendant. Ouais, un petit peu, c'est bas. T'sais, c'est, ah, on est plus, on féminise plus nos affaires c'est que vous ça. Autres. On est, t'sais, moi, ils me fatiguent, honnêtement. Ouais. Ils ont des positions politiques intéressantes. Il y en a d'autres qui sont, t'sais, un petit peu tirés par les cheveux des fois. Il y a toute une espèce de mentalité qui vient avec ça, qui est un peu douteuse, pas très pragmatique. Bon, je veux pas faire le procès de l'AC à matin non plus, c'était plus pour parler de toute façon, on n'affiliera pas avec eux autres, c'est assez évident. L'AGEQTR est juste pas assez militante pour être avec l'AC. Ouais. Ça sous-entendrait qu'il faudrait qu'on soit pour la gratuité scolaire, ce qui arrivera pas. Ouais. Puis de toute façon, t'as dit qu'il avait créé en partie l'AVEC, donc j'imagine qu'ils sont de ce côté-là pas mal à 100%. Ouais. Là, en fait, ce qui est proposé, puis comme j'en ai pas parlé dans mon article, j'ai pas fait une grosse recherche là-dessus, fait que je suis pas au fait des dernières actualités là-dessus. Ce que j'ai appris par la bande, c'est que bon, on s'enligne pour un référendum à l'hiver, référendum d'affiliation. Dans ce référendum-là, il y aurait deux questions. La première, ça serait, voulez-vous vous affilier avec une association étudiante, oui ou non, avec une association nationale? Ouais. Et l'autre question ensuite, c'est, si oui, laquelle? Puis là, on aurait le choix entre l'AC, mais c'est ça qui est pas clair, là. C'est ça qui est supposé de se décider en CA, d'ailleurs. Déplorons le fait que ça se décide en CA et non en Assemblée générale. C'est sûr. Je pense que ça mériterait une Assemblée générale spéciale. Probablement, mais est-ce qu'il y a une grande quantité de gens à l'UQTR qui auraient même une opinion là-dessus? C'est pas parce que t'as pas d'opinion là-dessus que ça devrait pas être décidé en Assemblée générale, mais quand même. Ben, je pense le but de l'Assemblée générale, souvent, on va dans le milieu étudiant, ça revient souvent ces dernières années, l'idée de faire, bon, on devrait arrêter de faire des votes en Assemblée générale, ça devrait se faire en référendum électronique. Parce qu'en tant que tel, on va se dire, le quorum est de combien? 65 personnes, genre, pour l'Assemblée générale? Ben, c'est rendu 80, je pense. Ouais, mais 80 mémoire. Pour 12 000 étudiants. Et c'est souvent, très peu. Souvent, on a de la misère à se rendre au quorum et on l'atteint, et ben, on va un petit peu en haut de ça à peine. C'est un problème que soulevait tantôt quand on parlait de structure de l'AGE, c'est un problème. Oui, c'est dans, dans la très grande majorité des autres universités. En fait, l'AGE-QTR, donc, on est, en termes de nombre d'étudiants, on est entre deux catégories. Il y a un peu deux sortes d'universités au Québec. Il y a les très, très grosses qui sont dans les 30 000, 35 000 étudiants, 40 000. Je pense même l'Université Laval, je me demande si ça tape pas le 50 000. Wow. Ouais, hein? C'est peut-être même 55. Peut-être même ça rend. T'ambitionnes. Ah oui, mais c'est gros, là, l'Université Laval. Là. Puis, mettons, il y a l'UDM aussi qui est dans ces chiffres-là, l'UQAM, l'Université Sherbrooke aussi qui est quand même assez imposante. Puis, il y a les petites universités plus régionales, comme à Rimouski ou des trucs comme ça, qui sont dans 4, 5, 6 000 étudiants à peu près. Nous autres, à 13 000, c'est à peu près le chiffre que l'UQTR met sur ses publicités. Oui, parce qu'ils ont des étudiants sur d'autres campus ailleurs c'est que l'UQTR. Ça. Mais sur le campus même. Ah, OK. Ah oui, ils disent sur le campus 13 000. Ça serait 13 000. Ouais. Mais là, évidemment, ils comptent des temps partiels, des gens inscrits juste dans des micro-programmes, des trucs comme ça. Ceux qui ont annulé leur cours, mais ils sont quand même techniquement étudiants. C'est un chiffre, c'est une idée de grandeur à peu près. On s'entend, les chiffres que j'ai dit, ces autres universités, c'est le même principe. Oui, c'est ça. Le chiffre de... On essaie de comparer des oranges avec des oranges. Ouais, ouais, ouais. Donc, on se trouve à être un peu entre deux catégories. Parce que à 4-5 000 personnes, ça se fait d'avoir un local que t'es tout dedans, ça se fait d'avoir la représentativité, c'est beaucoup plus facile de les rencontrer. Mm. À 30-40 000, eux autres, ce qu'ils font, c'est que y a des facultés qui sont comme des subdivisions, mettons, plus grosses que des départements, mais plus petites que toute l'université, évidemment. Mettons, par exemple, Sherbrooke, que je connais un peu plus, il y a la faculté des sciences, mettons, qu'à travers de ça, ben, il y a le département de biologie environnementale, il y a le département de microbiologie, ensuite de ça, il y a la faculté d'éducation, il y a enseignement secondaire, enseignement primaire, puis là, chaque département, après ça, ses programmes, puis ainsi de suite. C'est comme une autre partie de structure administrative qui est rendue nécessaire à cause de la grosseur de l'université, mais que, mettons, comme l'UQTR, nous autres, ça... c'est plus ou moins utile. Souvent, dans ces grosses universités-là, les associations suivent un peu le même moule. C'est-à-dire, tu as des associations facultaires et tu as une espèce de fédération d'associations qui est souvent celle-là, cette association-là qui est reconnue selon parce qu'il y a une loi là, qui gère les associations étudiantes. Puis souvent, c'est ça, c'est cette fédération-là ou confédération, ou prenez-le comme, mettons, à l'université de Chicoutimi, ils appellent ça la... c'est le mouvement des associations étudiantes de l'Université de Chicoutimi. C'est une des plus petites, d'ailleurs, qui a un peu ce modèle-là, là, un modèle plus, plus décentralisé. C'est le MAJUCAC que ça s'appelle, d'ailleurs, je trouve ça drôle. Ouais. Ouais. Puis, donc, c'est ça. Nous autres, l'UQTR, on est tout le temps, on est un peu entre tout ça. Fait que c'est un peu l'UQTR elle-même, n'a pas vraiment de nécessité d'avoir des facultés. Ça a été proposé, d'ailleurs, un certain temps. Puis ça a massivement été rejeté parce que c'était pas utile. Ça donnait comme rien, ça faisait juste alourdir la bureaucratie, qui est déjà lourde. Donc, c'est ça. Ça a été décidé de pas faire ça. Mais c'est ça. Donc, là, c'est que si le GEQTR se décentralise en genre d'association facultaire, mais là, ça serait plutôt des groupes de départements, mettons. Ben là, c'est ça. C'est que là, on a une job de plus à faire parce qu'il faut. Là, GEQTR décide elle-même qui va être avec qui, puis tout, puis c'est déjà quelque chose. Mais ce que ça fait, là, on revient de très loin, là, c'était pour parler d'association nationale, mais c'est qu'entre autres, ça, c'est que ça rend les votes plus faciles parce que les gens votent en faculté, puis après ça, les facultés, chaque faculté, je veux dire faculté pour faire plus court, là, même si ça serait pas exactement ça, nous autres, chaque faculté prend une décision, a un mandat, et après ça, amène ce mandat-là à l'association centrale qui, elle, prend une décision, par exemple. Puis ça arrive des doubles affiliations. Mettons, il y a des facultés à Montréal, à l'Université de Montréal, entre autres, je sais que c'est le cas, que, mettons, la FECUM était affiliée à la FERC, dans le fond, la grosse fédération, était affiliée à la FERC, mais il y avait des associations qui, eux autres, en plus, étaient affiliées, eux autres se considéraient comme affiliées à la FECUM, donc étaient indirectement affiliées à la FERC, mais eux autres, de leur côté, étaient affiliées à l'AC. C'est le cas, entre autres, de Philo UDM, je sais pas si c'est encore le cas. Mais c'est ça, la FERC est un peu morte au feuilleton, d'ailleurs. C'est un peu, dans le fond, présentement, c'est un peu la guerre de succession de la FERC qu'on vit. Donc, comme je disais, il y a l'AVEC, qui est plus régional, qu'entre autres le GEQTR, là, je le rappelle parce que ça fait un bout de temps que je parle de ouais, un peu d'autre chose. Parler, c'est ça, il y a l'AVEC qui est plus régional, qui se veut plus décentralisé, qui veut un peu combattre le montréalocentrisme qui est historique dans le mouvement étudiant. Puis de l'autre côté, t'as l'ACADEL, c'est-à-dire le premier cycle de l'Université Laval, parce que l'Université Laval, ils ont deux associations de campus, c'est deux associations qui regroupent. Il y a l'ACADEL qui est pour le premier cycle, puis il y a l'ALLIÉ qui est pour les cycles supérieurs. Là, demandez-moi pas de vous dire l'acronyme veut dire quoi, ça commence à être compliqué. Ouais, c'est lourd. Donc, tu as les premiers cycles de Laval, puis tu as la FECUM de l'UDM, qu'eux autres ont parti ce qui s'appelle maintenant l'UEC, l'Union étudiante du Québec. Si je me rappelle bien, ou l'Union des étudiants du Québec, une affaire de même. Ouais. C'est assez polémique d'ailleurs, parce que, bon, là, je vais avoir l'air d'avoir un billet un peu pour l'AVEC, mais l'UEC, en fait, charge très cher de cotisation, parce qu'une association nationale, c'est pas gratis. Ah ben, eh ben non. Fait que l'UEC charge, c'est 4$ par étudiant par session. Okay. Ce qui est le double de la FERC qu'on trouvait déjà cher, que c'était 4$ par année. 4$, ça aurait été un drôle de jeu de mots avec Cadel, mais ouais. On parle pas de ça. Puis, donc, c'est ça. Fait que ça, c'est déjà un peu polémique, mais c'est qu'en plus, ils disent, bon, parce que là, on veut être sacoche, on veut faire de la recherche, tout le kit. OK, c'est une idée. C'est une idée, ouais. OK, on sort les gros canons, c'est une chose. Fine. De toute façon, l'inflation, tout ça. sauf que ce qu'on apprend, c'est que traditionnellement, dans le mouvement étudiant, quand tu es exécutant, quand tu as un poste d'officier, donc dans le fond, l'exécutif, tu le fais beaucoup par conviction. Puis, on t'a une paye qui n'est pas vraiment une paye, qui est surtout une bourse pour te permettre de ne pas avoir de job en même temps à côté pour être plus disponible. C'est ça, le GEQTR. C'est pour ça que. On dit la rémunération de nos officiers. C'est pas une rémunération, c'est une bourse pour les permettre de se dégager des obligations financières pour pas qu'ils aillent à travailler en même temps. On se rappelle. En théorie, ils sont pas supposés. Toute la grosse affaire avec les affiches où ils disaient 18 400 $ pour la session, les affiches là, pour les campagnes électorales où ils arrêtaient pas de mettre de l'avant le prix que ça allait donner. C'était un peu n'importe quoi. Ça. D'ailleurs, dans le temps, moi, j'étais contre ça parce que je me disais, c'est pas avec ce salaire-là que tu vas plus attirer du monde. Absolument c'est pas. Pas un salaire c'est de un toute salaire. Façon. Non. En termes de principe, c'est pas un salaire, c'est donné comme une bourse. Puis le but, c'est pas de te rémunéré, donc de te payer. T'es pas un employé. C'est juste de te permettre... C'est du bénévolat qu'on te permet de te... mettons, c'est ça, tu sais, de pas avoir besoin d'avoir une job à côté. Ah, c'est pareil comme quand t'es juré puis qu'ils vont te rembourser ta job que t'as pas pu te présenter, mettons. Là, ouais, c'est un peu, ouais, c'est un peu le même principe. C'est la compensation, tu sais. C'est ça, c'est un peu le même principe. C'est une compensation, ouais. On peut dire ça de même. Donc, dans les assos nationales, même la FERC qu'on accusait dans le temps d'être hyper corporatiste, selon moi avec raison, mais c'était quand même un peu ça qui était mis de l'avant. T'sais, il vivait pas richement là-dessus. Avec le temps, il s'était accumulé une certaine quantité de bénéfices marginaux, on pourrait dire. Mais bon, je ne vais pas commencer à faire le parce que ça, on pourrait en parler longtemps, puis ça pourrait devenir un peu déprimant pour certaines personnes, dont moi. Mais bon, en tout cas, ça reste qu'ils n'étaient pas payés. Mais là, il y aurait vraiment un salaire dans l'UEC présentement. Puis ça, c'est un petit peu. Ça a l'air un peu anodin. Mais c'est un peu. Ben, comme j'essaie de le montrer, c'est déjà un peu. C'est un changement de principe, c'est un changement de paradigme. C'est plus conçu de la même manière. Là, eux autres, c'est rendu une job. C'est plus ouais. De l'implication, c'est une job. Ça change déjà la game un peu. C'est normal que tu aies certains employés permanents. Comme, mettons, à l'UQTR, à la GEQTR, on a Fred Borel qui est... là, je pense que le poste à cette heure, je m'en ai tout le temps pour dire... aux archives, trucs, là. Ouais, ben c'était... tu sais, je m'alignais pour le dire. Attaché politique, c'est ça le mot que je cherchais. À cette heure, c'est conseiller à l'exécutif. Eh ouais, genre. Mais il fait un peu le même job pareil. Là, ils ont juste changé un peu certaines définitions. Puis, qui est un employé permanent. Il y a une directrice administrative. Il y a un autre poste que je ne me rappelle plus c'est quoi. Mais bon, tu sais, il y a un certain nombre d'employés. C'est normal. Le gérant de la chasse, c'est un employé de l'OGE. Ouais. En fait, techniquement, tous les employés de la chasse-galerie, c'est des employés de l'OGE. Mais le gérant, c'est vraiment considéré comme un employé permanent. Donc, c'est ça. C'est normal qu'il y ait des employés. Comme c'est normal qu'il y ait des... Mettons, dans une association nationale, tu t'attends à ce qu'il y ait un ou deux recherchistes payés à temps plein ou à temps partiel. C'est normal. Ouais. Que les officiers, ça soit rendu des employés, c'est une autre affaire. C'est bizarre, oui. Ça change un peu. Puis là, l'affaire, c'est que la masse salariale est assez impressionnante rendue ouais. Là. Parce que des officiers, il n'y en a pas juste deux. Il y en a une gang. Ouais. Là, ils sont payés à temps plein. Salaire minimum, si je me rappelle bien. Mais ça finit par faire de l'argent pareil. Si tu sais les moyens de... Il y a des gens qui ont des opposants à ça, d'ailleurs, parce qu'il y a déjà eu une campagne référendaire à l'Université Laval qui a été très hargneuse, d'ailleurs. Finalement, les résultats ont été annulés parce qu'il y aurait eu des genres d'irrégularités avec le vote. Mmh. Pour vous dire là, comment est-ce que ça a été, il y a eu plein d'affaires. Il y a du monde qui faisait voter des gens qui allaient accoster les gens avec des iPads qui faisaient voter dessus. Puis c'était des gens qui étaient membres d'un des deux comités, du oui ou du non. Ça donne une idée du genre d'affaires qui a eu lieu. Puis il y avait, dans le fond, le comité du non, dans le fond, le comité qui était pour rester indépendant là-bas, il avait fait un graphique, puis montrait, tu sais, un pie chart, là, un graphique en pointe de tarte, qui montrait mm-hmm. la proportion des salaires, c'était la grosse majorité de l'argent passé là-dedans, tu sais. Tu te dis, ouais, c'est pour être vraiment ça à coche, pour faire des grosses recherches, puis de la grosse mobilisation, puis tout ça. Pas tellement. Ouais. Le gros passant en salaire, pareil. Fait que bon, ça donne un peu moins le goût. Là, j'ai l'air de bien gros être pour l'AVEC. Je trouve que déjà l'AVEC est plus intéressante personnellement. D'ailleurs, en tant qu'association de régions, si on sait un peu l'histoire de ce qui s'est passé, au début, il y avait ce qu'on appelait la table des régions qui se discutait. C'était le GEQTR. Il y avait Sherbrooke, je pense, qui était là. Il y avait Chicoutimi et Rimouski. Ça, c'est déjà, je le dis de mémoire. Là. Je peux me tromper, mais... c'est ça, qui discutaient pour essayer de trouver une alternative pour ça. Ils ont finalement fait un plus gros congrès de tout ça, qui a invité plus de gens, puis finalement, ça a commencé à vouloir se faire noyauter. Il y a eu une espèce d'attitude un peu plate de certaines assos montréalaises que je nommerai pas. Bon, l'histoire que j'en ai su, c'est que finalement, le GEQTR et les membres originaux de la table des régions ont un peu claqué la porte. Mais eux autres, ce qu'ils disent, c'est qu'ils n'ont pas claqué la porte, ils se sont fait pousser à la porte. Donc là, il y a déjà une chicane sémantique là-dessus depuis ce temps-là, mais c'est ça, ce qui est resté là a créé l'UEC, puis la table des régions se sont un peu reformées et ont fait l'AVEC à la place. Mais on n'est pas encore on s'est pas de facto affilié à l'AVEC, il faut qu'on fasse un référendum quand même. Ouais. Puis moi, je dis que c'est déjà plus intéressant. Sachant ça, je pense que c'est déjà évident que l'UEC, c'est pas très intéressant pour nous autres. Mais l'AVEC, on ne sait pas encore ce qu'il va y avoir là-dedans, donc il faut se garder une petite gêne. Puis moi, personnellement, je trouve qu'on est indépendant à le GEQTR depuis 2009. Puis je veux dire, en 2012, entre autres, on n'a jamais senti qu'on était désavantagé par notre, le fait qu'on était indépendant. Ben au contraire, il y avait une, une association nationale dans le temps qui s'appelait la TASEC, qu'on n'entend plus parler parce que c'est un peu mort au feuilleton après 2012, justement. Puis le GEQTR avait plus de réception dans les médias que la TASEC, qui regroupait quatre associations, dont d'ailleurs la CADEL. En fait, toute l'Université Laval était affiliée à TASEC. Okay. Nous autres, on a, le GEQTR, je dis nous autres parce que c'était dans le temps que j'étais à l'OGE, justement, on allait aux réunions mensuelles de la TASEC comme observateur. On participait un peu aux discussions, mais on n'avait pas droit de vote. Nous autres, c'était vraiment, on était comme un peu les amis de la TASEC, on pourrait okay. dire ça comme ça. Puis on avait considéré s'affilier, puis il n'y avait rien, qui nous poussait à s'affilier parce que on avait quasiment plus d'influence. Premièrement, on avait de l'influence dans leurs décisions, malgré le fait qu'on n'était pas membre, ce qui était très avantageux pour nous autres, en fait. Puis pour donner un exemple, il y avait une proposition. Bon, on se rappelle 2012, c'était la hausse des frais de scolarité. Nous autres, on proposait une alternative qui avait été trouvée par des recherchistes de la CADEL, justement, donc de l'Université Laval, qui était le FSSEP. Ça, c'était un genre de cotisation donnée par les entreprises, les très grosses entreprises, que c'était par rapport à leur masse salariale. Puis bon, il y avait eu beaucoup de recherches de fait là-dessus, puis ils disaient que ça permettait de ramener plus que ce que la hausse des frais de scolarité amenait, sans hausser les frais de scolarité. Ça coûtait pas une scène à l'État, ça ramenait dans le sens que, tu sais, l'hausse des frais de scolarité, ça venait aussi avec une hausse de l'aide financière aux études. Fait que c'était comme, ça s'en venait, c'était de toute façon pas très efficace de la façon que c'était fait. C'est pour ça que d'ailleurs que ça avait été critiqué comme étant très idéologique comme hausse. Là. Il y avait des gens de droite qui étaient contre. C'est ça, le FSSEP, ça avait l'air d'être une belle solution. Le GEQTR l'a encore d'ailleurs, comme sa proposition, si jamais il revient des questionnements par rapport à des hausses de frais de scolarité, c'est un peu ça que le GEQTR a commandé de mettre de l'avant encore. Puis, bon, la CADEL, ça faisait longtemps qu'il n'avait, la TASEC, ça faisait un bout de temps qu'il en parlait. Puis nous autres, on prend la position, le mois d'après, on en parle dans les médias, puis les médias régionaux l'ont repris. Malheureusement, cette fois-là, c'était ça 2012, on fait une super de belle conférence de presse, on rencontre même la députée de Trois-Rivières qui avait comme mandat de ne pas nous parler. Ah. Finalement, elle nous a rencontrés pareil. C'était bien drôle, d'ailleurs. Après ça, on a fait un... Les médias nous attendaient à sortir de ça, bien évidemment. On en a parlé, les médias étaient bien intéressés. Il y a plein de journalistes qui nous ont dit « Ah, ben on va vous en reparler, est-ce qu'on trouve ça intéressant? On va peut-être vous inviter à une émission, puis tout. » Puis, c'était supposé être diffusé le soir, puis il y a eu une grosse manifestation qui a mal viré à Montréal, puis ça n'a peu parlé en dehors de Trois-Rivières, mais ça n'a parlé pareil, ça n'a parlé plus que ce que la TASEC faisait. Ça pour dire que on se débrouille pas trop mal comme association indépendante. Fait que, moi, j'ai peut-être des préjugés, mais j'ai toujours eu, depuis que je m'implique dans le mouvement étudiant, j'ai toujours eu de la misère de voir la pertinence d'une asso nationale permanente. Mm-hmm. Personnellement, c'est la question que j'ai tout le temps posée, puis on m'a jamais donné de vraies réponses satisfaisantes qui n'étaient pas de l'idéologie de « ouais, mais on en a besoin, tu sais. Ouais, mais pourquoi on en a besoin? Ben parce qu'on en a besoin, on y en a tout le temps eu, t'sais. Ben oui, tu sais. » Des fois, moi, ce que je me dis, le mieux, ça serait, ça s'est déjà fait, Rassemblement national étudiant. En 2012, ça avait été quasiment ce qui avait été le plus productif. C'est que toutes les associations nationales, toutes les associations locales se rencontrent et prennent une décision commune. Dans ce temps-là, ce que ça avait été fait, c'était une des grosses manifestations. Ça a été d'organiser ça. D'organiser une des grosses manifestations. Si tu peux pas prendre une position commune à l'ensemble du mouvement étudiant, ça se peut pas. Mais tu peux faire des trucs communs parce qu'on se rejoint des affaires. Il n'y avait pas une asso qui était pour la hausse des frais de scolarité. Puis de toute façon, dans des trucs comme ça, tu as droit de dissidence à la limite. Là. Ce qui est quand même très rare que c'est utilisé. Donc, ça pour dire que c'est une affaire à surveiller cet hiver parce que le référendum, on va se le faire envoyer. Puis moi, ce que je trouve plate, c'est que de ce que je vois en venir, ça va faire un référendum compliqué parce que ça va être un référendum avec deux questions. Ouais. Puis, si tu veux intéresser... Moi, je pense que, tu sais, l'idée, c'est qu'il va falloir que les gens non impliqués s'impliquent un peu là-dedans aussi. Faut les impliquer là-dedans, faut aller les chercher. Puis, c'est pas en compliquant le processus que tu vas les intéresser. Puis, ce serait quoi la solution à ça? Ben moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, il faudrait arrêter d'être chicken, il faudrait en faire deux référendums. OK, deux référendums. Un premier référendum pour savoir oui ou non l'affiliation. Ouais. Donnez-vous le mandat à la GEQTR de chercher la possibilité ou de créer, tu sais, je sais pas comment formuler ça, mais de chercher à s'affilier. Juste oui ou non. Puis là, suite à ça, si le non gagne, ça finit là, on reste indépendant, puis moi, je suis bien content. OK, je comprends. Puis si le oui gagne, ben là, Le GEQTR revient avec un deuxième référendum un certain temps plus tard. Il faudrait que ça se fasse quand même relativement vite. Fait que moi, je m'attendrais à ce que la recherche soit déjà faite. Oui, oui, c'est ça. Puis savoir à qui on s'affilie. Puis là, on fait une proposition. Puis là encore, s'affilier, mettre un choix de réponse. Ouais. J'ai de la misère avec ça. OK. Parce que les gens imagine, à la main, parce que je veux qu'on soit dans l'AVEC. Non, non, c'est pas ça. Non. Ce que je dis, c'est que la GEQTR regarde par rapport à ses positions qu'elle a présentement, puis par rapport aux positions prises par ces assauts-là, laquelle qui serait la plus pertinente de donner le choix. C'est, dans le fond, la question, c'est faites-vous confiance à la GEQTR d'être capable de choisir elle-même si elle veut s'affilier à quelque chose ou non? Ça serait. Oui, je veux qu'elle s'affilie, et le cas échéant, elle peut décider elle-même. Elle peut décider. C'est plutôt, elle peut décider laquelle qu'elle va nous proposer. Parce que et plus tard, il y aura un autre oui ou non. C'est ça, il y aura un autre oui non. C'est que là, mettons, l'AGE regarde puis dit bon, ben ok, celle qui. Mettons, ce serait probablement l'AVEC. Le GEQTR regarderait et disait bon, là, on a le choix entre l'AC, l'UEC, l'AVEC. Laquelle qui fit le plus avec nos positions? Parce que l'AGE a une personnalité, on peut dire. On a des positions de prise puis de. Puis, c'est ça, il faudrait voir quelle association fit le plus avec ces positions-là. Ça serait probablement l'AVEC. Fait que là, référendum ou non, c'est parce que. Une des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'un référendum, ça implique que t'as un camp du oui ou un camp du non, entre guillemets, mais que t'as, dans le fond, que t'as un comité de formé pour chaque réponse possible. Si tu fais 3 réponses possibles, 4, ça commence à être compliqué comme référendum, parce que là, t'as les pros avec, t'as les pros, puis là, ça se met à se crier des noms entre eux autres, puis je veux dire, ce rendu-là, complexe. C'est complexe. Pis c'est trop complexe, ça sert plus à rien rendu là, puis... ça va finir que les gens vont voter sur un coup de tête puis pour celui qui était le plus smart ou enfin non mais comme tout le temps. Fait que je pense que si on veut faire ça comme du monde, faudrait le faire comme du monde puis proposer ça. Moi je dis c'est deux référendums carrément. Ouais. C'est du temps, de l'énergie, mais Caroline, vous êtes là pour ça. C'est ça, c'est votre job. Vous êtes payé pour. C'est le job. Justement, ils sont pas payés pour, vous mais... Vous êtes compensé pour. Vous êtes supposé faire ça. Ça fait moins genre, c'est votre job, vous êtes compensé adéquatement pour. Non, c'est ça. Donc, bref... T'es grincheux, Sébastien Fgartin, mais au moins, t'apportes des solutions en même temps, tu vois. Bon. C'est ça, il y a pas juste chialer dans la vie. Faut apporter des solutions et tu le fais. J'essaye. Voilà. J'essaye. Mais de toute façon, c'est pour conclure l'année. je concluais mon édito avec ça un peu aussi. Là, je vais me dépêcher. Ah, c'est pas grave, ça fait juste 50 minutes. Hey, ok. Bon, fait qu'on va faire ça vraiment vite. Tout ce que je disais, c'est que dans le fond, l'important, puis c'est un peu ça que je voulais dire dans mes éditoriaux, dans tout ça, l'important, c'est de posez-vous des questions. Ouais. Pour citer je le cite dans mon édito, mais je dis pas c'est de qui, mais c'est le titre du mémoire de maîtrise de François Landry, on s'en rappelle. À l'époque, il était attaché politique à la GEQTR. L'ancien attaché politique, petit monsieur barbu. J'espère que tu nous écoutes, François. Si, monsieur barbu. Wow. François, le titre de son mémoire de maîtrise, c'était « Mêlez-vous de vos affaires, 3 petits points, mais mêlez-vous-en, point d'exclamation. Ouais. » Trouvez ça bon. Fait que c'est les dernières paroles de mon éditorial. Oui, ton puis feu c'est un peu ça que je vais en dire. C'est un peu... Je trouve que ça résume bien ce que j'essayais d'amener, c'est « Mêlez-vous-en. » Ouais. Voilà. Donc, on clique dans un campus une dernière fois cette semaine. Après ça, en janvier, ce sera quelqu'un d'autre. On vous surprendra toujours en vous annonçant plus tard, qui sait. Ouais. Voilà. Et nous, on va te retrouver à Assemblage Requis, on peut le dire, en exclusivité. Tu vas être avec nous quand même à Assemblage Requis. Oui. Cet hiver. Je vous abandonne pas. À toutes les semaines? À toutes les semaines. Bon. Yeah. Génial. On s'en reparlera. Donc, merci beaucoup, Sébastien Fgartin. Ben, merci à vous. Passe joyeux temps des fêtes. Vous aussi. C'est un grincheux. Je sais, c'est il passera pas un beau temps des fêtes. Non, mais je suis quand même pas vert, là. Tu sais, ouais, okay. C'est bon. Je devrais. Je vais essayer d'avoir du fun pareil. Est-ce que je peux te dire, passe de belles vacances alors? On peut dire ça. Ah, ben, même joyeux temps des fêtes, c'est correct. Bon, génial. Merci, Sébastien. Merci à vous. Au retour, ce sera enfin le moment de révéler l'invité surprise de Frédéric Bernard dans sa chronique Google Globe à Assemblage. Informations, visitez cifou.ca. Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR.

Ah, donc on a posé la question à Google, comment attraper l'esprit de Noël. C'était dans Google Globe. On te remercie Frédéric Bernard. Oui. Qu'on va retrouver en janvier. Oui, moi je serai de retour, c'est certain. Absolument. Et Cathy F. Côté, future chroniqueuse régulière, mais pour l'instant remplaçante. toi aussi. Pas trop de pression. À l'hiver. Exactement. Voilà, on est toujours bien ouvert à ça. J'ai peut-être pas l'esprit de Noël, mais j'ai l'esprit de trouver des chroniqueurs. Même en onde. Même en onde, c'est ça. Donc, Google Globe, les mercredis matin à 8h30, 45, 50, 55, dépendant. Oui. Ben, écoutez, le vendredi, des fois, je passe... Parfois, je passe dans les meilleurs moments de C'est fou. C'est plus facile, plus fixe. Il y a un montage. C'est le fun que tu dises toi-même que t'es dans les meilleurs moments. Ça vient... Mais revenir, tout le monde, tous les chroniqueurs passent dans les meilleurs moments. Sauf quand tu prends des chroniques d'une heure et quart. Oui, ouais. Ça dépend. Mais tous les chroniqueurs passent au moins. Fait que oui, si vous y allez, vous avez peut-être une chance de m'attraper. C'est ça. Exactement. C'est l'élection qui est faite. L'émission est est en balado-diffusion sur assemblagerequis.com et les meilleurs moments de C'est fou sont sur cif.ca. Donc, pas mal de façons de vous retrouver. Oui. Dans ces chroniques-là. Sinon, venez le lundi soir à la lutte quand ça va recommencer, puis je vous refais la chronique en live. En live. Ça commence la deuxième semaine de janvier. Oui. Voilà. Puis, Katiev, c'est long, là, accepte ma demande d'amitié sur Facebook. Hein, OK. Oui, j'y vais. Mais j'ai fermé mon ordinateur pour vous donner un peu de temps. Voilà, donc merci à vous deux. Et nous, ça va être tout pour Assemblage Hockey pour aujourd'hui. On va se retrouver demain entre 6h30 et 9h30. On remercie bien sûr les gens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Donc on pense en ordre à Sébastien F. Gertin, oui, qui était là pour sa chronique Butin Gertin. Frédéric Bernard. Frédéric Bernard, Cathy Côté, toi Tania Baudin. Et toi Mathieu Blanc. Merci beaucoup. Sur nos ondes à 11h, il y a Dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, en après-midi, je vais être de retour à 15h pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Ensuite, à 17h, c'est l'émission de musique électronique audiomatique. À 20h, Radio Sonic avec de la musique variée. Cif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados-diffusions. On a parlé tantôt dans la chronique de Google Globe de mannequins de magasins. Oui. Donc, on va se quitter avec mannequins de magasins de Navet Confit. C'est bon, ça? C'est très bon. Et on se retrouve demain dès 6h30 pour deux dernières émissions, jeudi et lundi. Bye! Bye! C'est bientôt l'automne.